Liquidation précipitée d'une société. L'associé dirigeant d'une SARL dissoute a été nommé liquidateur amiable. Par la suite, il a clôturé intempestivement la liquidation de la société seulement 9 jours après la dissolution et surtout avant même la fin du contrôle fiscal dont celle-ci faisait l'objet sur le paiement de la TVA. Cette liquidation précipitée a rendu impossible le recouvrement de la TVA éludée. Et c'est le dirigeant liquidateur amiable qui a été condamné à la payer pour violation de l'article L267 du livre des procédures fiscales. Car, au terme de cet article L267, tout dirigeant social qui, par des manœuvres frauduleuses ou par l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales, a rendu impossible le recouvrement d'impositions quelconques dues par la société, peut être déclaré solidairement responsable de leur paiement.